731, activation orale. Qu'est-ce que? Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Nous allons apprendre le français. Et vous demandez. Qu'est-ce que nous allons apprendre? Bon, allons-y. 2. Ça va être un jeu. Qu'est-ce que ça va être? 3. Nous allons inventer une histoire. Qu'est-ce que nous allons inventer? 4. Le jeune homme va être américain. Qu'est-ce que le jeune homme va être? 5. La jeune fille va être française. Qu'est-ce que la jeune fille va être? 6. Les jeunes gens vont avoir des amis. Qu'est-ce que les jeunes gens vont avoir? 7. Le jeune homme va faire du sport. Qu'est-ce que le jeune homme va faire? 8. Il va peser 70 kilos. Qu'est-ce qu'il va peser?